Hey, c'est Yann. Vous êtes sur le point d'écouter un autre podcast de Garage Wanderlust. J'y vais avec une petite discussion de garage. J'ai réécouté mon podcast sur la meilleure moto d'aventure. Puis j'ai coupé court un peu sur les cylindrées puis les configurations moteurs. C'est ce que je vais faire tout de suite là. Hey, tout de suite là. Salut! Ouais, j'ai écouté mon podcast sur la meilleure moto d'aventure. Je me suis mis à réfléchir juste sur l'aspect de la cylindrée. Fait que j'en arrive au sujet de mon podcast d'aujourd'hui. Ma réflexion à voix haute sur la cylindrée. L'importance de la grosseur. Quand je parle cylindrée, c'est la grosseur du moteur. Parce que on peut partir en aventure avec un 50cc ou avec un 1800cc. Même à la limite, un plus gros que ça. Il se fait des moteurs jusqu'à 3. Même j'ai vu un V8 dans une moto. Fait que ça commence à être gros. Mais là où est-ce que ça devient intéressant, c'est qu'est-ce qu'on fait avec chaque cylindrée. Parce que c'est pas vrai qu'on fait tout aussi bien avec toutes les grosseurs. Parenthèse, quand je parle de grosseur, de l'importance de la grosseur, je parle de moteur. Parenthèse fermée, je continue. Plus que tu deviens pointu dans un secteur, plus que tu en perds ailleurs. Je ne mettrai jamais le moteur du Pénégal V4 dans une moto d'aventure. Ben, à ce moment-là, ils vont dire « Ah, le Ducati Multistrada, c'est très sportif. » Oui, mais on n'est quand même pas dans le même snap moteur. Là, je parle de la programmation du moteur, comment elle va répondre en général. Je parle pas de la grosseur. Là, je veux vraiment m'attarder sur la grosseur. C'est dans le choix de la moto d'aventure parfaite, comme j'ai dit, ça va avec ce que tu veux en faire. Puis, la grosseur de ton moteur va aussi être en lien avec ce que tu veux en faire. Fait que je pense que c'est bien de réfléchir. Si j'ai parlé de la moto d'aventure parfaite, il faudrait que j'explique les avantages, les inconvénients de chaque dimension et même probablement de chaque configuration moteur. Puis j'ai pas de préférence. C'est ça qui est plate. Je serais jamais capable de dire que un monocylindre peut remplacer un 4 en ligne et vice-versa. Parenthèse. Je pense que je parlerai pas juste de la grosseur des moteurs. Du cylindrage. Je pense que je vais aussi parler de configuration. Je ferme la parenthèse. Je continue. C'est peut-être pour ça que j'ai les deux. Et ce qui fait que mon préféré, si j'avais un préféré à me nommer, ce serait le moteur en V. Mais le moteur en V, c'est juste des grosses cylindrées dans mon type de moto d'aventure. Alors, non, c'est vrai. Après, là, on a déjà sorti un petit V. De plus petites cylindrées, mais le reste ne fitait pas à ce que j'aime faire. Oh, la cylindrée. Mettons que je veux traverser la planète, c'est la question. C'est tout le temps le fun fabuleux, hein, fabuleux, traverser la planète. Et c'est le fun, moi, parce que cette question-là, j'ai eu à me la poser, puis je me la pose encore aujourd'hui. Comme ça, juste pour philosopher, c'est quelle cylindrée, si j'avais recommencé mon voyage autour du monde, exactement quelle cylindrée j'aurais pris. À ce moment-là, je suis parti avec un 990 moteur en V, qui est aujourd'hui la moto la plus polyvalente que j'ai eue, la plus plaisante à conduire que j'ai eue. Si j'avais à garder seulement qu'une moto, ce serait un KTM 950. Ce ne serait pas 990, ce serait un 950. Parce que c'est avec ça que j'ai fait le plus de choses différentes. Dans un relatif confort. Mais si j'avais à refaire ce voyage autour du monde-là, est-ce que j'irais encore avec une grosse cylindrée comme ça, avec une configuration moteur comme ça? Marie, qui a toujours voyagé avec moi dans ces grands voyages-là, elle, c'est simple dans sa tête, sa moto, c'est un BMW F650GS monocylindre, moteur Rotax. Elle l'adore, elle le vit avec et ça donne bien, c'est hyper fiable. Facile à réparer, mais comme c'est la moto qu'elle préfère. C'est juste elle qu'elle plaque et c'est juste elle que j'ai à entretenir. Tant mieux. Mais quand je réfléchis, après avoir voyagé toujours en présence d'un F650GS, j'ai côtoyé en 990 un F650, j'ai côtoyé en F800GS un F650. À chaque fois, j'ai toujours eu une petite jalousie envers ce moteur-là. Pas envers le moteur tel quel, non. Envers l'idée générale derrière le BMW F650GS, qui est la simplicité du mono. Fait que si c'était à recommencer, je pense que la moto que je prendrais pour traverser la planète, le premier critère, ce serait d'avoir un monocylindre. Pour l'entretien, de un, pour le poids, de deux. Le désavantage du monocylindre, c'est l'autoroute. C'est ça qu'on est sur l'autoroute. Quand je dis ça, simplement, puis je pense à vivre ici, autour. Tout à l'heure, j'ai dit, je préférais garder mon 950, c'est sûr. Parce qu'en Amérique, nos routes sont longues. On arrive souvent d'être capable de rouler à 100, 110, 120 km/h pendant 1 heure de temps, sans arrêter. Mais quand on voyage, c'est assez unique, l'Amérique. C'est pas comme ça, là. Un voyage en France, tu ne tiendras pas 120, à moins que tu prennes l'autoroute, là, c'est vraiment plate, là. Les bus de courbe, les routes sont plus petites. Partout sur la planète, c'est comme ça. C'est pour ça que le monocylindre, un gros monocylindre, puis même à 400 à la limite, ça fait le travail en masse, puisque la vitesse moyenne va plus jouer aux alentours de 50, 70 km/h, si on prend les routes et ainsi de suite. Et en plus, le monocylindre, le petit monocylindre, quand on va arriver dans des villes, dans des situations de conduite qui sont vraiment différentes des nôtres, va être vraiment plus facile. Mais vous, encore dans le contexte moto d'aventure parfaite, j'ai l'impression que ce podcast-là, c'est comme le moto d'aventure parfaite numéro 2, annexe cylindrée. Moi, rester toujours proche, la cylindrée parfaite serait le 1000, dans le fond, le 1000. Là. Toute la série Africa Twin 1000 en Twin parallèle, je préfère le V par exemple. Là. Mais il y a des motos que j'ai pas essayé, que je pourrais mettre là-dedans. Pourquoi je dis ça là? Je place ça de même. Si tu es le genre de personne qui vend des motos, puis tu voudrais que j'essaie une moto en particulier que j'ai jamais essayé, puis tu veux me la prêter, ouais, ça va me faire plaisir de l'essayer. C'est sûr. Je pense que je pourrais quasiment faire un podcast complet sur les motos que j'aimerais essayer. Je pense juste ça. Non, deux. Il y aurait même. Faudrait que je fasse le top 100 des motos que j'aimerais essayer. Et c'est ça. Je récapitule mon annonce. Ma demande plutôt, si tu voudrais que j'essaie un modèle de moto que je ne parle jamais, fais-moi signe. T'en as à me prêter, c'est certain. Je peux même faire un voyage avec, si tu veux. Pas de problème avec ça. Bon, et c'est fermé parenthèse. J'espère être entendu. Parce que une nouvelle moto, c'est toujours une aventure particulière. Mais je reviens. Ouais, le monocylindre, la simplicité du mono. Il n'y a pas deux choses à travailler quand ça va mal, il y en a juste une. Je veux dire, s'il y a un piston qui va mal, il y en a juste un à réparer. C'est sûr qu'il est plus engagé parce qu'il fait tout le travail tout seul. Fait que, par contre, quand c'est pas une moto qui est montée à bloc, c'est des moteurs fiables. Je vais encore parler du moteur Rotax à ma conjointe qui est à, je pense qu'elle pogne le 150 000 kilos là, dessus sur un des deux. Là. C'est pas tuable. Mais ça marche pas. Ça avance pas. C'est pas un moteur explosif. C'est pour ça que j'aime plus mon 690 dans ce cas-là. Moi, ouais, explosif comme mon 690. Idéalement, le 640 était une super mono. Je prends contexte de ma cylindrée. Donc. Parenthèse. J'ai parlé rapidement du 640. Quand même la même série de moteurs que le 690. C'est sûr que les années sont pas les mêmes. J'ai toujours aimé le moteur du 640 parce que tu as toujours quelque chose à réparer dessus. C'est ça. Parenthèse fermée. Je continue. Contexte cylindrique. Je viens de réfléchir que je parle depuis tantôt à ce que je préfère faire directement. Mais c'est pas tout le monde qui fait de la moto qui veut ça serré et pas confortable, qui préfère avoir de la performance au lieu du confort. Si on peut changer grosseur de confort, on va monter dans la cylindrée. C'est tout ça, c'est le ratio. Un 12 12,90 à cette heure en moto d'aventure, ça va jusque là, 12,90 avec plus de confort, on va pouvoir faire de la trail quand même avec, oui c'est ça, dépendant de ton niveau d'habileté, il y en a qui sont malades, comme qui sont habiles avec ça, mais n'empêche que ça va rester un 12,90 là, quand ça va être le temps que tu vas être en ville avec. Moi, non, je voudrais jamais me ramasser en plein Mexico sur un 12,90. Ça se fait. Ça fait. Mais non. Les cylindrés. Moteur en V, c'est le caractère. Moteur en V, c'est sa pousse. Moteur, à mon choix, le fun qui existe, c'est un moteur en V à tendance sportive. Ben oui, mon 950. Mais non, le vrai moteur en V, là, genre le Ducati de... Le Ducati Spinigal, le vrai moteur en V. Ah, mais Yann, tu fais de la moto d'aventure. Tu serais pas capable de juger une Spinigal? Non, je serais pas capable de la juger. Mais si vous voulez m'en prêter une pour. Je peux même essayer de. Je suis même prêt à me rendre à Los Angeles aller-retour le plus rapidement possible si vous voulez. Faut juste m'en prêter une. Malheureusement, j'ai pas les moyens de garder ça, ces motos-là. Donc, moteur en V, à tendance sportive, c'est mon préféré. La poussée du 4 en ligne. Ah oui, ça c'est l'interminable poussée du 4 en ligne. Lorsqu'on voyage en Amérique et qu'on veut simplement s'amuser dans un parfait confort, ben oui, le 6 Sapla Goldwyn va rester, le Sapla Goldwyn, le V Honda du 1300 va rester le V. Quel moteur en passant, le V du 1300, c'est doux. C'est le fun de rouler avec ça. Mais un 4 en ligne, la montée du 4 en ligne, l'interminable... Ça a comme jamais de fin. Ah oui. C'est le fun en crime, voyager avec dépendant. Par contre, pour avoir fait la mésaventure de temps en temps de tomber sur le chemin de gravel avec un 4 en ligne tendance sportive. Oh oui, ça se fait. Ça se fait. Tout se fait. Il y a même un gars qui a fait le tour du monde avec un R1. Ça se fait. Mais je retire pas le même plaisir. Moi, je suis un peu Roger Bontemps. J'aime pas trop me casser la tête, moi, avec. J'aime travailler avec les bons outils. Bon, c'est ça. Hey, fait, je pense que j'ai fait le tour des moteurs. J'ai parlé du mono. Qu'est-ce que ça apportait? J'ai parlé du moteur en V. Puis là, c'est sûr, plus que c'est gros, plus que c'est lourd, mais plus que ça pousse. Puis plus que c'est petit, plus c'est léger, plus c'est facile. La force, c'est le fun. Le pouvoir, c'est trippant. Faut que tu sois capable de le manager. T'as dit encore une fois hier, je me suis fait surprendre 2-3 fois sur le chemin que j'en demandais... C'est le printemps, on en demande aussi 90. Et 2 fois, je me suis fait surprendre. Oh! C'est ça. Faut savoir contrôler. Tout ça, faut rester allumé. Donc, le mono, le sportif, le 4 en ligne, le V, le Twin, le fameux moteur Boxer BMW. Ouais. Le moteur que je classerais de avoir un caractère sans caractère. Le tellement de son ça me mêle. C'est tellement parfait comme moteur que ça lui donne son caractère. On peut presque rien reprocher un moteur BMW, au fameux flat twin. C'est en même temps ce que je lui reproche comme trop parfait. Et c'est presque, ça manque presque de sensation à la limite. Mon côté petit côté italien, peut-être, sans chaud, fait que j'ai un peu plus de difficultés, mais je comprends tellement ceux qui sont accrochés à ce moteur-là. Là. Ouais, quel moteur. Ce serait le fun qu'il en fasse un de plus petite cylindrée. Pas être obligé, là, ils sont rendus à 12,50. Là. Ramenez-moi-en un comme dans le temps à 800. Mais ça, hey, ça serait hot. Moto d'aventure avec un moteur, avec un flat twin 800, je l'achèterais pas. Ce serait pas mon genre. Parenthèse, c'est pas parce que j'en achèterais pas que ça serait pas quand même une moto incroyable. Un 800 GS moteur flat twin, quand même. Parenthèse fermée, je continue. Ben, on l'a quasiment avec la V7 de Guzzi qui vient de sortir. Tu sais, la V7? Ouais, en tout cas, la moto d'aventure qui vient de sortir. Là. Ils l'ont, c'est presque un peu la même configuration, mais c'est pas la sauce allemande. La sauce, un peu plus italien. J'ai tellement hâte de penser et réfléchir tout haut à propos des moteurs. J'ai-tu parlé de tous les moteurs que je reconnais à ces motos? Ouais, je pense que j'ai fait le tour. Fait que c'est ça, c'était l'IS. Ah, le twin parallèle. J'en ai jamais eu. Je suis prêt à l'essayer. Si vous voulez me faire essayer un tour de parallèle, j'en ai jamais eu, mais je suis prêt. J'ai déjà essayé. Je dis, ben non, j'en ai un, c'est vrai. Hey, si bol. Hey, là, je m'en veux. Et oui, mon F800 GS, lequel j'ai fait la Pamir, lequel j'ai fait la Russie, c'est un twin parallèle. C'est, ça a tellement pas de caractère que j'ai oublié qu'il existait. Non. C'est un moteur, c'est ça. J'ai tout dit. Pour moi, twin parallèle, c'est ça. Il faudrait que j'essaye le 790 de KTM. Parce que j'ai tellement que ce moteur-là m'a marqué que j'ai oublié d'en parler. Hey, c'est hot. Mais là, c'est vrai que j'ai fait le tour. J'ai fait le tour de ce que je connaissais des configurations moteurs puis des cylindrées. J'ai pas parlé, c'est vrai, au final, j'ai pas parlé beaucoup des cylindrées. Peux-tu voyager avec un 250? Mais oui. Je peux-tu voyager avec un 400? Oh que oui. 650. Je peux-tu voyager? Oui. Dépendant de la quantité d'effort d'huile de bras que tu veux mettre dans ton voyage, en corrélation avec la qualité de la route. C'est tout ça. C'est facile. C'est plus facile que je pensais, finalement, la grosseur du moteur en ligne, qu'est-ce que tu veux. Facile. C'est pour ça que j'ai tant de motos, moi. C'est des choix faciles. Hey, ça a fait du bien de jaser de ça puis d'enregistrer ça. Ça a fait mon podcast numéro 2 sur les configurations moteurs qui s'en va avec la recherche de la moto d'aventure parfaite. C'est pas fini. J'ai même pas embarqué sur la dimension des roues. Ça, c'est pas compliqué. Les 19 pouces, 21 pouces, 17 pouces, les suspensions, on est-tu mieux inversé? Ça en fait-tu des affaires? Hein? Et la moto d'aventure parfaite, la configuration de moto parfaite. Ça peut bien être long sur les forums, peut bien jamais avoir de réponse. Importe la configuration, importe la grosseur, l'important c'est d'aller loin. Partir en moto. C'est ça. J'ai pas mal terminé ma réflexion. Ride far. Bye.